Merci aussi pour le pour l'invitation. J'ai un peu hésité. Alors, vous allez voir, c'est de la pub habilement dissimulée. Je vous préviens tout de suite. J'ai hésité à parler du portrait ou à prendre les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire à parler de culture matérielle à travers des images, ce qu'on fait finalement pas tant que ça sur le statut des images, sur comment on les utilise sur la culture matérielle. Et je vous signale juste, c'est ça la minute publicitaire. Dans le dernier numéro de cette revue-là, plutôt sur l'histoire du vêtement et de la mode, on a essayé d'avoir quelques séries, quelques séries d'iconos, enfin de portfolios, où on essaye de réfléchir à ça. Avec des choses hyper basiques, c'est-à-dire vraiment une série d'images, qu'est-ce que ça nous permet de dire ou pas. Et l'exercice est assez marrant. Là, donc, je vais prendre les choses dans l'autre sens, sur cette histoire d'un mariage heureux, et c'est vraiment dans la suite de ce qu'a dit Anaïs. Pour réfléchir, en gros, essayer de voir ce qu'apporte une approche en termes de culture matérielle quand on essaye de penser des images. Et en gros, je vais parler d'objets qui sont un peu présents dans les scellés et complètement absents des inventaires. Je fais très court. Dans les inventaires, on considère que tous ces portraits de famille, puisque je vais parler de ça, sont placés extra bona et ne peuvent pas être saisis. Donc, ils sont invisibles. Ils font partie des biens inaliénables. Donc, il n'y a finalement que les scellés où on a des traces. Et encore, on voit qu'il y a une culture de la part des priseurs, etc., qui fait qu'on passe assez vite, enfin, ces tableaux de famille, point barre. Et c'est bien dit dans tous les textes juridiques, dans tous les manuels de priseurs, etc. On n'a pas à juger de la qualité de ces tableaux de famille, que ce soit une peinture de maître ou une petite croûte, elle doit être considérée pour sa valeur sentimentale et comme un bien, comme un objet ou une image qui fait souvenir. Donc on est obligé aussi de bricoler un peu pour parler de en tout cas les méthodes d'histoire de la culture matérielle traditionnelle, on va dire, à partir des inventaires, ne fonctionnent pas du tout, puisqu'en gros, on a des inventaires d'intérieur dont on sait qu'ils sont saturés de ces images, mais on n'a pas, ces photographies que sont les inventaires. Et puis, autre difficulté pour parler de cet ordinaire du portrait, au 19e siècle, donc, ça serait valable pour le XXe siècle aussi. Il y a très peu de musées qui s'intéressent à ces objets, et en particulier aux objets que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire des objets, on pourrait dire bâtards, puisqu'on parle de photos de famille, mais d'objets qui mélangent, vous allez voir, tout un tas de techniques qui sont très indéterminées. Et globalement, les musées ne s'encombrent pas avec ça, et quand ils en ont, les sortent pas. Le seul où on peut trouver un peu ces objets, c'est le musée national de l'histoire de la photographie à Bièvre, qui essaye un peu de valoriser, enfin de présenter quelques-uns de ces objets, mais encore une fois, vous l'imaginez, les plus exceptionnels, et voilà. Donc globalement, en gros, toutes les images que je vais vous montrer là, c'est plutôt des choses de récupérer à droite à gauche, en gros, pour être très pragmatique, dans des puces, sur eBay, enfin, des endroits. Et alors là, par contre, c'est une marée infinie de ces choses-là qu'on peut trouver sans problème. Donc vous l'avez compris, l'idée, c'est de voir toutes ces images bricolées. On connaît l'histoire de la photo, l'histoire du portrait carte de visite. Mais en fait, il y a tout un monde d'objets bricolés. Et ça va être un peu en gros, je vais parler d'images bricolées. Thomas, ici présent, pourra en parler sans doute mieux que moi. Essayer de se dire qu'est-ce que c'est que ces images bricolées, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter, à la fois sur le statut de l'image, sur les usages de l'image. C'est aussi l'idée qu'une image, les bricolages d'une image disent les usages successifs, les transformations, les projections, les attentes, notamment sociales. Une nouvelle... Je vais essayer de faire passer en même temps quelques objets. Je vous fais passer deux. Première chose, on a toute une série de photographies extrêmement... c'est extrêmement courant, ça. Alors ça vaut vraiment 3 euros sur eBay, hein, pour parler. Ça donne aussi une idée de la diffusion. On a dans tous les albums de famille, et encore une fois partout dans les fonds photographie, des photos qui ne sont pas des photographies de personnes, mais des photographies d'images. C'est présent vraiment dans tous les albums. Des photographies, vous le voyez, de peinture, et des photographies de trucs un peu plus indéterminés. Je vais parler de celle de droite, du coup, moins évidente. C'est une photographie, en fait, d'une peinture, une sorte de peinture miniature photographique sur faïence, une image vitrifiée, et qu'on va refotographier. Pourquoi je pars de là ? Cette idée, quand la photographie arrive, elle prend la place de tout, n'est pas exactement vrai, mais on voit en même temps qu'elle sert vraiment à recomposer. Et là, l'idée, vous le devinez, c'est de réinscrire des images anciennes dans les nouveaux albums et de les recomposer pour recomposer un récit familial, pour réécrire des généalogies, des filiations, réelles ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on va donc comme ça faire photographier. Et si on fait un peu attention aux publicités et aux annuaires, une grande majorité des photographes à Paris, j'ai surtout travaillé pour ça, enfin, pas que, mais pas mal sur Paris, annoncent faire la reproduction de tableaux, la reproduction de photos. Là, je vous ai fait passer une photographie d'une photo, vous l'avez vu. Donc, on fait ce travail de duplication avec cette idée, c'est dit joliment dans un texte, d'offrir une seconde vie à ces images. Donc, il y a une double idée de pouvoir manipuler ces portraits, les réorganiser, mais aussi l'idée qu'ils vont durer grâce au multiple, que le multiple garantit contre la perte, la catastrophe, etc. La dégradation en général. Dans ces pratiques de duplication, je le dis au passage, je ne crois pas avoir mis d'image, mais dans ces pratiques de duplication, on peut aussi considérer qu'il y a, enfin, penser à toute la pratique des bustes, des masques mortuaires, etc., qui connaissent un espèce de regain à partir des années 1840, parce qu'on peut les reproduire en réduction grâce au système Colas et puis les multiplier. Et on a, je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure, mais je déflore tout de suite, dans les inventaires, comme ça, des espèces de hiérarchies où on donne le buste taille naturelle aux descendants directs et puis des réductions plus on s'éloigne dans le réseau familial. L'autre élément important dans ce bricolage des images, c'est toutes les pratiques de restauration, avec toujours cette idée, vous voyez, de, à la fois de réactualiser par l'usage et en même temps de prolonger dans le temps, qui devient vraiment une obsession pour ces portraits de famille au XIXe siècle. Et on va développer tout un tas de techniques de restauration, de pratiques de restauration. On a une cinquantaine de restaurateurs à Paris déclarés. Et puis, en fait, en fouillant un peu dans les archives, on se rend compte que les encadreurs, les papetiers, beaucoup de peintres de quartier font aussi de la restauration. Avec un débat, vous le devinez, qui devient très important à partir du 160, au moment où on restaure le Louvre, hein, on s'attaque à la restauration des peintures du Louvre de façon un peu massive. Débat sur est-ce qu'il faut garder la patine, puisque c'est le nouveau goût des antiquités y invite, ou est-ce qu'il faut remettre à neuf les images. Le débat est exactement le même sur les portraits de famille. Est-ce qu'on remet à neuf? Est-ce qu'on garde la patine? À partir de quand la dignité, le temps font qu'il faut garder de la patine? Enfin, vous imaginez tout ce... C'est une espèce de Dorian Gray à l'envers, une espèce de dialogue et de négociation autour de ces questions-là. Avec, je vais vite, mais un regain quand même pour les tableaux salis, patinés, etc., qui doivent marquer, vous le devinez, leur authenticité. Et puis, on voit à partir de 1890 tout un tas de techniques pour vieillir soi-même ces images, les vernis craqueleurs, aussi dans tout ce cadre des pratiques amateurs. Et vous le devinez, ce travail de... Il y a plein d'anecdotes, hein, de destruction de portraits de famille chez des... restaurateur, je ne vais pas vous les lire pour aller un peu vite, c'est évidemment des pochades sociales, mais on trouve aussi quand même des pratiques assez récurrentes de nettoyage un peu fort de ces tableaux, et je cite toujours un peu les mêmes exemples, mais où on va comme ça réaménager les décors notamment, réaménager les vêtements, en gros, réécrire un peu voilà, l'histoire de la famille en restaurant en même temps ces tableaux. Dans cette logique, et puis Anaïs l'a évoqué, la place des testaments est extrêmement importante, puisque dans cette question du matériel et de l'image, il y a la question de la durée, et avec une très grande confiance, vous le savez, au XIXe siècle, dans la capacité des objets, du matériel à faire se transmettre, à faire vivre le souvenir. Alors c'est vrai pour les sépultures, etc., mais c'est vrai aussi dans les objets. Et les testaments vous le savez, deviennent hyper matérielles dans la seconde partie du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on parle des rentes, on parle des immeubles, on parle d'etc. Mais on se met à détailler tous les objets qu'on lègue, à qui, pourquoi, l'histoire de leur objet, ce qu'on aimerait qu'ils deviennent, leurs usages possibles, etc. Et évidemment, les portraits ont une place centrale dans cette économie du testament. Je vous lis juste un extrait. C'est un agent d'assurance qui écrit ça, à 72 ans, donc il rédige son testament et des codicilles. À Monsieur Trouvé, je vous épargne, ça fait 20 pages à peu près. À Monsieur Trouvé, son médaillon en plâtre. À Monsieur Trouvé et Morin, qui ont déjà un buste de mon fils. Son fils est mort pas longtemps avant. Les plâtres, animaux, bas-reliefs et médaillons. Et puis il conclut en disant « Alfred aura la garde des papiers de famille et manuscrits laissés par moi. Ma volonté est que ces souvenirs comprenant buste, portrait et album ne soient pas dispersés et restent à la disposition de tous les membres qui voudront les consulter. J'ai toujours été frappé en le regrettant de la négligence des familles qui ne savent rien de leur propre histoire. » Bon, voilà, le projet est à peu près clair, cette idée qu'il faut que les images durent, et qu'il faut qu'on les transmette et qu'on essaye de penser leur devenir. Je vous passe le détail, mais il explique dans quel village les archives et tout ça doit rester, qui en aura la garde, comment ça va s'organiser. Il donne 100 000 francs, ce qui n'est pas rien, pour être sûr que ce soit entretenu. Et en même temps, il s'assure que l'instituteur du village aura un contrôle aussi sur ça. Enfin, tout un dispositif social assez important. Autre aspect, c'est toutes les nouvelles pratiques qui vont émerger. On a évoqué plusieurs fois la photographie tout à l'heure, et tu l'as dit, Anaïs, la photographie n'emporte pas du tout tout dans les images domestiques. Et on a tout un tas de techniques. Alors là, c'est vraiment des choses qui partent des objets eux-mêmes, enfin du matériel. Je vous l'ai fait passer, c'est pas précieux. Une peintre qui produit ça dans les années 1854-55, Dugardin. Allez sur eBay, vous en trouverez des brouettes. Quelle est la technique? Je pense que vous le devinez à peu près. On envoie sa photographie ou on la porte. On découpe le visage et les mains, c'est-à-dire les deux pièces les plus compliquées à peindre. On colle ça sur un petit panneau de bois et puis on brosse assez rapidement, vous le voyez, un espèce de décor à l'huile qui d'ailleurs en même temps imite les décors de photos, ce qui est assez bizarre, mais voilà, une espèce de paradoxe. C'est l'idée, en gros, d'insérer ces morceaux de photographie sur des supports à l'huile, avec cette idée, c'est dit très partout, hein, qu'on est sûr avec ça que l'objet va durer dans le temps, c'est un support solide, c'est de la peinture à l'huile, et vous le devinez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un portrait à l'huile fait de A à Z, même par un... par un rapin de quartier. Donc toute une pratique, et là encore une fois, c'est quand même les objets qui permettent de comprendre le fait que ce soit sur un support sur bois, etc. Et puis vous avez dû le voir derrière une des planches, on voit que c'est fait par correspondance, on détaille derrière la couleur des yeux, la couleur des cheveux, parce qu'on met légèrement en couleur, je ne sais pas si vous voyez les cheveux un peu blonds, mais voilà, c'est très léger, ça évite les maladresses. Et c'est dit, en fait, Dugardin va prospérer pendant quasiment 50 ans, hein, c'est pas rien, et va par correspondance produire comme ça quantité de portraits qui sont censés durer dans le temps. L'autre élément, pardon, l'autre pratique, ça va être de faire repeindre sur les photographies, vous avez déjà dû croiser ça. Ça va être vrai sur le daguerreotype, avec l'idée que c'est un support métallique solide, durable, mais on repeint par-dessus quand même. Et puis des pratiques de ce type-là, sur des photos papier, vous voyez, où il reste à la fois peu et beaucoup de la photographie, mais en tout cas, où au premier abord, on est face à une peinture. L'autre pratique très courante, ça va être le transport sur toile. Là, on a des centaines de brevets. Et je pense que les brevets font des liens assez clairs entre technique et culture matérielle et image. Des centaines de brevets pour transférer, grâce au collodion, les images négatives sur de la toile. On appelle ça notamment de la linéographie. Et ça donne ce genre de portrait. Alors, vous le devinez qu'à moitié, mais c'est une espèce de grisaille. Là, c'est pareil. Hein, c'est souvent fait par correspondance. Donc, on reste dans une couleur très, très pastel. Ça évite, encore une fois, les erreurs, et puis de toute façon, c'est dans le goût de la période. Et Truchelu, peut pas inventer un nom pareil, a produit, pareil, sans doute des dizaines de milliers de tableaux. Et ce qu'on sait, c'est qu'en gros, il avait une petite équipe, plutôt d'une dizaine de peintres à peu près, qui travaillaient avec lui dans son atelier. Et puis la version plus populaire des années 1890, le comptoir du progrès universel, qui a tout un tas de spécialités improbables, vraiment du progrès façon fin 19e siècle, vraiment mort à crédit. Parce qu'ils font du vin en briquette sèche, ils font tout un tas de machins comme ça variés, et ils font aussi du portrait peint à l'huile. Et pareil, on vous explique, on vous promet en gros des peintures indestructibles à l'huile ou des pastels, dans tous les cas sur des supports qui ont fait leur preuve, hein, c'est dit comme ça, pour des prix absolument. Très bas, je vais juste vous lire l'extrait quand même, je ne reste pas à la publicité. Beaucoup de personnes voyant les ravages faits par le temps aux photographies de personnes qui leur sont chères, s'empressent-elles d'en faire un agrandissement inaltérable au charbon ou une peinture. Vous avez les deux procédés possibles, je reviens sur l'inaltérable au charbon. Portrait peint à l'huile sur panneau de bois d'après photographie, d'une ressemblance absolue. C'est l'œuvre des plus éminents artistes portraitistes de Paris. Là, ça résonnera après avec ce que disait Anaïs. Il ne faut pas confondre nos peintures à l'huile avec ces grossières enluminures qui ressemblent à des images d'Épinal. Ce que je vous ai montré, donc, en gros, là. Hein. Et puis, ce que tu évoquais sur les chromos. Chacun peut ainsi se constituer une intéressante, c'est-à-dire intéressant d'un coup, une intéressante galerie de portraits de famille peints à l'huile, ce luxe de bon goût étant, grâce à la modicité de nos prix, à la portée des bourses les plus modestes. Et de fait, ça tombe bien, donc ils sont arrêtés pour escroquerie, un procès correctionnel, et ils ont effectivement une liste de clientèle, on n'a pas la liste, hein, je ne veux pas faire fantasmer, mais on sait qu'ils étaient en gros en commerce avec à peu près 300 personnes au moment du procès, donc ils laissent penser qu'il y avait une forme de succès. L'autre pratique qui va se développer, c'est effectivement tous les tirages inaltérables, je fais vite, c'est le remplacement des grains d'argent par du charbon, c'est-à-dire par une matière inaltérable qui ne va pas se détruire dans le temps avec l'oxydation, etc., et son transport sur des supports de céramique, de faïence, de céramique ou de verre, et une vitrification avec l'idée, en gros, là, de faire des images pour l'éternité. C'est vraiment dit comme ça. C'est notamment Lafond Camarsac qui va mettre ça au point. Ça donne toute une production très importante dès 1855. C'est juste pour vous dire qu'au moment où la photo, le portrait carte de visite se répand, devient un objet peu cher, accessible sur carton Bristol, on a une espèce de pendant pour l'éternité qui se met en place en même temps. Avec des expériences plus ou moins à succès. Là, c'est la version, vous voyez. Voilà. Alors, est-ce que c'est un tête-à-tête à l'heure du thé? Est-ce que c'est boire dans ses ancêtres? Enfin, il y a tout un. Bon. C'est sans doute de la vaisselle qu'on expose, vous le devinez. Sans doute pas qu'on l'utilise. C'est un petit succès, on n'en trouve pas tant que ça. Enfin, visiblement, voilà. C'est plutôt un succès publicitaire qu'un succès réel. Par contre, tous ces médaillons-là sont extrêmement courants. Et ça se répand dans toute la société, ça devient très courant dès les années 1880, enfin c'est vraiment peu cher. Et je vous lis un extrait d'un brevet déposé par des fabricants. Pour vous dire que ça se répand dans la société, c'est un agent d'assurance et un pharmacien de Nevers. Et je vous lis l'extrait. Ils produisent des images vitrifiées sur émaux, porcelaine et faïence, qui ne craignent ni l'humidité, ni la poussière, ni les taches. On peut les frotter rudement, les laver à l'eau bouillante, sans rien leur faire perdre de leur éclat. Un portrait, un groupe de famille passera sans altération à tous les descendants. Il en sera de même pour les documents précieux qu'une famille ou une ville voudrait rendre impérissables et qui seront plus durables que les monuments eux-mêmes. Ils expliquent aussi que les peintres pourront comme ça photographier leurs œuvres, les transférer sur... et les léguer à la postérité. Vous voyez le projet. Là, encore une fois, les objets parlent, et vous savez le devenir de ces objets, globalement, ça va être pour l'essentiel, à partir des années 1890, dans les cimetières, où on va en gros les associer aux sépultures, et où on espère, on imagine, que le monument dure autant que l'image elle-même. Un mot sur... pardon, j'avance dans le bon sens... c'est le paradoxe, c'est qu'en même temps, dans ces bricolages d'images, là, c'est des bricolages qui me paraissent assez clairs, On va réutiliser ces photographies en les mixant avec d'autres supports. Donc vous avez la version pour l'éternité, et là vous avez la version relique avec des cheveux, en gros, hein, on fait des fleurs, des compositions en cheveux qui accompagnent ces portraits. Dans cette idée, vous le voyez, de construire des formes de reliquaires assez classiques dans un sens, mais qui sont des sortes d'enrichissement d'images au carré, en quelque sorte. Là encore, ça dit quelque chose de ce rapport à l'image photographique, à la fois très commune et en même temps qui peut être très précieuse à partir du moment où elle est mise en scène, en sachant que là, on n'est pas face à des objets très chers. Là, pour le coup, c'est vraiment dans toute la France. Les cheveux ne sont pas très chers, et la photo n'est pas très chère, et le travail n'est pas non plus, vous le voyez, le fait d'artisans très haute formation, on va dire ça comme ça. Vous avez des versions un peu plus complexes en termes de mise en récit. Vous voyez là, ça c'est fait avec des cheveux réduits en poudre, où on peint un peintre en train de peindre un couple, et voilà, bon. Donc vous avez tout un tas de jeux comme ça, mais qui sont, vous le voyez en tout cas, toujours des formes de bricolage, qui sont des sortes d'enrichissement, d'entassement, de souvenirs dans un même espace. Et pour finir, sur ces pratiques, avant de parler de la mise en scène, on a aussi tout un tas de pratiques amateurs fin 19e siècle. Ça c'est une mallette, j'ai pas eu le courage de l'amener, mais qui s'appelle de la photo miniature. C'est bourgeois, la maison que vous connaissez sans doute toujours, qui produit ça. En fait, on vous propose des petites vitres bombées, vous collez votre photographie au dos, vous grattez le papier, puis avec du vernis, vous rendez ça transparent, puis vous mettez en couleur. En gros, vous avez vos petites miniatures, et c'est dit clairement, sans savoir peindre, sans avoir aucune qualité artistique, vous pouvez produire comme ça des miniatures familiales, censées aussi, vous l'imaginez, durer dans le temps, ce qui globalement est vrai, hein, par ailleurs, tout ça, puisqu'on trouve ces objets... L'opération était plutôt efficace. Dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est toutes les manières de présenter ces objets. Ça, c'est un presse-papier. Oui, j'avais un tableau. Ça, c'est un presse-papier, donc de cette taille-là, et sous lequel on a transféré une photo. Et donc, ça vous donne cette impression, vous voyez... Vous le devinez en tout cas, d'un portrait comme ça qui flotte dans une bulle de verre. On a quantité de dispositifs de présentation de cette image, avec cette idée aussi, vous l'imaginez, d'une protection, mais aussi d'un espèce de dialogue qui se met en place avec les ancêtres. Là, on revient à ce que tu disais, Anaïs, sur la culture matérielle, c'est aussi penser évidemment tous les dispositifs de monstration, de présentation, d'usage qui vont avec. J'aurais pu vous mettre tout un tas de blocs de cristal, enfin de faux cristal dans lesquels on glisse les photographies, ça donne l'impression qu'elles sont suspendues dans l'espace. Je voulais juste vous faire, ça c'est 1854, très peu de temps après, 5-6 ans après, vous avez, là c'est un peu plus tardif, mais le développement de la boule de cristal, ou de la boule de verre en fait, avec laquelle on va pouvoir dialoguer en général avec ses ancêtres, d'accord ? Tous les magiciens et les charlatans, enfin, les voyants, etc. Et je ne sais pas si vous voyez la publicité, on vous propose de revoir votre vie du berceau jusqu'à la tombe, et la vie de vos proches du berceau jusqu'à la tombe. Mais il y a cette idée, en gros, que le verre est un espèce de médiateur, enfin oui, quelque chose comme ça, qui permet de voir le passé, qui protège en même temps. Et on va avoir du verre absolument partout. Ça va être vrai, je vais aller vite, avec les sous-verres qui se développent à ce moment-là, hein, à partir des années 1830. Et puis toutes ces pratiques que vous connaissez de bulles de verre qui vont enfermer, protéger de bulles, de cloches, de globes, où on va enfermer des photographies, des petits souvenirs. Vous avez une vierge, un Bouddha, vous avez des fausses fleurs en aluminium, souvent en aluminium, qui viennent des cimetières, un petit miroir peint, enfin... Des cloches comme ça dans lesquelles vont s'accumuler, ça plutôt dans les milieux populaires, hein, pour le coup, y compris dans les campagnes, et qui, vous le savez, sont des espèces de biographies. On va mettre le bouquet de mariage en fleurs séchées, construire comme ça une espèce de récit. Dans le même temps, évidemment, développons des albums, on l'a évoqué, tu l'as évoqué au début. Ce qu'on peut noter, c'est quand même que les albums deviennent très matériels. Il y a ces albums qu'on peut croiser en cuir, voilà. Mais les fermetures deviennent des fermetures de meubles, c'est des fabricants de meubles qui vont fournir le matériel aux papetiers pour produire tout ça. Vous avez des albums en marqueterie de marbre, vous avez des albums qui font de la musique, extrêmement courant au 19e siècle. Vous les ouvrez, vous avez une boîte à musique qui, vous l'imaginez, très proustien comme affaire. Et puis vous le voyez, des choses assez, comment dire, démonstratives et encombrantes. L'idée, c'est qu'on est sur une matérialisation très forte de ces images. Ça participe, à mon sens, de la même logique que tout ce qu'on a vu jusque-là. Je passe sur ces albums et ces recompositions, et puis évidemment la multiplication des cadres qui vont aussi arrimer ces images au mur, avec l'idée qu'on doit en gros donner un poids aux images, qu'on doit retenir ces images et les ancrer dans l'espace domestique. Dernier truc pour conclure, dans les bricolages, c'est un peu à côté, en même temps pas vraiment. Donc c'est ce truc-là, je vous le fais passer. Mais c'est pour vous dire que c'est... Enfin, en fait, il y en a quand même plein, et c'est peut-être pas la majorité, mais une grande partie de ces portraits sont des machins un peu indéterminés. Et donc ça, après une très très longue enquête, ça vient d'un vide-grenier de Belleville, très longue enquête, très laborieuse, parce que c'est écrit en chinois, donc j'ai cru que ça venait de Chine, mais... donc c'est Cochinchine, c'est fait par des artisans chinois, parce que la majorité des artisans qui travaillent le bois au Cochinchine viennent d'une région de la Chine dont j'ai oublié le nom, c'est pas malin, j'aurais dû l'écrire. Et donc c'est des proverbes chinois que tout le monde connaît, mais sans parler chinois. Et en fait, en gros, c'est des familles coloniales, et en fait c'est assez courant, des administrateurs, de la petite administration coloniale, qui font refaire leurs portraits photographiques dans les techniques locales. Et donc là, c'est de la nacre gravée, incrusté dans le bois, et on ramène ça, j'ai la famille entière, on ramène ça à Paris comme une espèce de souvenir, vous l'imaginez, une écriture, et puis effectivement un objet durable. Je parlais de meubles, mais là on est vraiment dans du côté du mobilier. Pour conclure, c'est pas vraiment à conclure d'ailleurs, mais l'idée, c'est en prêtant attention à tous ces objets un peu incertains, ça donne à mon avis des entrées, des manières de se poser des questions sur la nature des images et leurs usages. Et si on y fait attention, si on fait attention en gros à ce que la Bibliothèque nationale de France, à ce que les arts décoratifs, etc., laissent de côté, parce qu'en fait ça rentre assez peu dans les catégories muséal, on a accès à tout un tas de circulations, de pratiques, de transferts qui font quand même, à mon avis, une grande partie de la culture visuelle aussi du 19e siècle. Voilà, je vous remercie. C'est vrai que le souci de préserver, de faire durer ces images, qu'ils soient bien avec le verre, tout ça, et puis en effet le poids des images, ça pose la question de toutes les images qui ne durent pas en fait. C'est-à-dire que si on a besoin que ces images-là durent, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres qui sont périssables ou non ? Oui, je pense qu'on rentre quand même dans une société où l'image devient périssable, jetable. Enfin, il y a tous les prospectus, les publicités, les chromos qu'on file aux enfants et qui peuvent être détériorés. Il y a toutes les images que les enfants découpent pour les mettre sous forme d'album. Enfin, donc, je pense qu'il y a une nouvelle fragilité. Après, il y a beaucoup une peur que le papier photographique soit un support fragile, alors qu'il l'est. Enfin, on ne l'est pas, en fait. En tout cas, les photos du 19e siècle, globalement, se portent bien. Et le projet social de se rattacher aux pratiques traditionnelles. Mais je pense que quand même, ça rentre dans un monde d'images, de nouvelles images éphémères. Les emballages de nourriture, c'est les années 1950. Hein. Je sais pas, le tapioca, le machin, vous avez des chromos. Donc il y a un nouvel environnement visuel, beaucoup plus éphémère qu'avant. C'est sûr. Ouais. Peut-être juste une petite réaction à un commentaire. J'ai trouvé très important le fait que ces images soient insaisissables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur d'échange. J'avais écouté une émission qui qui abordait la question des antiquaires qui vendent des photos anciennes et des photos de famille, ça posait la question de la production de ces archives. C'est-à-dire qu'il disait, finalement, quand il y a un héritage, on vide les maisons, mais ce qui va rester, c'est les caisses de vieilles photos, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Ça pose la question du statut de ces objets, qui sont des objets très particuliers, en fait. Ils sont insaisissables, mais ils n'ont pas de valeur non plus, ils ont une valeur patrimoniale. Et quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Mais du coup, on en trouve beaucoup aujourd'hui, parce que personne... Enfin, les familles veulent parfois oublier leur histoire. On a le droit. Mais on ne les jette pas. C'est quelque chose... Alors... Ouais, alors c'est ce que on a tous la sensation qu'on ne jette jamais de photos de famille. Il suffit d'aller aux puces, etc., pour voir qu'il y a quand même de fait une espèce de marée d'images. Mais elles sont aux puces, enfin, je veux dire, on les détruit pas. Ah, la poubelle. Oui. Oui, oui, on s'en débarrasse, on les détruit pas. D'accord. Non, mais ça c'est vrai. Justement, on a eu le. À Lille, on a invité une artiste. Archiviste Emmanuel Fructus, qui depuis en gros 20 ans collectionne ces images ordinaires, et elle nous disait que c'était assez caractéristique. En gros, notre, par exemple, elle a des dizaines de milliers de photos de mariage parce qu'elle en trouve partout, personne n'ose les jeter, personne n'ose les détruire. C'est souvent des grandes photos sous film, enfin voilà. Et qu'en même temps, personne ne veut en acheter, ça n'intéresse vraiment personne. Enfin, non, mais vous voyez, les gens à la mer, etc. Enfin, il y a un goût pour la photo amateur, mais pas la photo de mariage, qui est d'ailleurs souvent une photo professionnelle très conventionnelle. Mais du coup, voilà, il y a effectivement tout. Enfin, je pense que tout le marché aujourd'hui de ces images-là serait marrant à détailler. Quoi. Mais après, c'est sûr que c'est troublant le fait de sacraliser à ce moment-là ces images et qu'en même temps, elles puissent finir. Enfin, voilà. Et c'est la même chose pour les collections, par exemple. Enfin, les collections qui sont au cœur de la transmission de l'héritage, et on en trouve partout des collections de trucs dont